Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents, lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus répondant, leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens, fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. » Ou, croyez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé tomba, et les tua, fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Il disait aussi cette parabole, quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il y vint chercher du fruit, mais il n'y en trouva point. Et il dit au vigneron, voici, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit en ce figuier, et je n'y en trouve point, coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et le vigneron répondant, lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé, et que j'y ai mis du fumier. Que s'il fait du fruit, tu le laisseras, sinon, tu le couperas après cela. Or, comme il enseignait dans une de leurs synagogues un jour de sabbat, voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un démon qui la rendait malade depuis 18 ans. Et elle était courbée, et ne pouvait nullement se redresser. Et quand Jésus l'eut vue, il l'appela, et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Et il posa les mains sur elle, et dans ce moment elle fut redressée, et glorifiait Dieu. Mais le maître de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri au jour du sabbat, prenant la parole, dit à l'assemblée, « Il y a 6 jours auxquels il faut travailler, venez donc ces jours-là, et soyez guéris, et non point au jour du sabbat. » Et le Seigneur lui répondit, et dit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf, ou son âne, de la crèche le jour du sabbat, et ne les mène-t-il pas boire? Et ne fallait-il pas délier de ce lien au jour du sabbat, celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée il y a déjà 18 ans ?» Comme il disait ces choses, tous ses adversaires étaient confus, mais toutes les troupes se réjouissaient de toutes les choses glorieuses qu'il opérait. Il disait aussi, à quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi le comparerai-je? Il est semblable au grain de semence de moutarde qu'un homme prit, et mit en son jardin, lequel crut, et devint un grand arbre, tellement que les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable au levain qu'une femme prit, et qu'elle mit parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce qu'elle fût toute levée. Puis il s'en allait par les villes et par les bourgades, enseignant, et tenant le chemin de Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Et il leur dit, « Faites effort pour entrer par la porte étroite, car je vous dis, que plusieurs tâcheront d'entrer, et ils ne le pourront. Et après que le père de famille se sera levé, et qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter à la porte, en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, » et que lui, vous répondant, vous dira, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira, « Je vous dis, que je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui faites le métier d'iniquité. » Là il y aura des pleurs, et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra aussi d'Orient, et d'Occident, et du Septentrion, et du Midi, qui seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, ceux qui sont les derniers, seront les premiers, et ceux qui sont les premiers, seront les derniers. En ce même jour-là quelques pharisiens vinrent à lui, et lui dirent, « Retire-toi, et t'en vas d'ici, car Hérode te veut tuer. » Et il leur répondit, « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et j'achève aujourd'hui et demain de faire des guérisons, et le 3e jour je prends fin. C'est pourquoi il me faut marcher aujourd'hui et demain, et le jour suivant, car il n'arrive point qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison va être déserte, et je vous dis, en vérité, que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrivera que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.